le réveiller. Il est blotti entre mes bras, et je ne veux pas me lever, non. Et je ne veux pas me lever. Regarde comme il est si bien, on dirait même qu'il nous sourit. Sa petite main dans ma main, je ne veux pas quitter mon lit, non. Je ne veux pas quitter mon lit. Bébé dort, dort, bébé dort. Mon bébé dort tout contre moi. Je n'ose pas le réveiller. Il est blotti entre mes bras. Et je ne veux pas me lever, non. Et je ne veux pas.